Waterloo, Waterloo, Waterloo, morne plaine. Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc sanglant, des héros, Dieu trompait l'espérance. Tu désertais, victoire, et le sort était là. Ô Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas, car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des reins. Le soir tombait. La lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington, acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat, point obscur où tressaille la mêlée, effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon, sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit « Grouchy !» C'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, la mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés, ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge, qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre, où les régiments comme les pans de mur tombaient, où se couchaient comme les épis mûrs, les hauts tambours-majors, aux panaches énormes, où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal, l'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites-nous la garde » cria-t-il. Et lanciers, grenadiers aux guêtres de Couty, dragons qu'on remit pris pour des légionnaires, cuirassiers canonniers qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur dieu, debout dans la tempête. Leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'empereur !» Puis, appalant, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise.